70. Conversation. Écoutez. Qu'est-ce que tu cherches? Il y a un très bon livre qui vient de sortir sur l'histoire du socialisme. C'est fait par qui? Par un historien qui retrace toute l'histoire du mouvement socialiste. En partant de Marx et d'Engels? Non, en partant du socialisme utopique de Mohr et de Campanelle. Répétez. 1. Qu'est-ce que tu cherches? 2. Il y a un très bon livre qui vient de sortir sur l'histoire du socialisme. 3. C'est fait par qui? 4. Par un historien qui retrace toute l'histoire du mouvement socialiste. 5. En partant de Marx et d'Engels. 6. Non, en partant du socialisme utopique de Mohr et de Campanelle. 7. Qu'est-ce que tu cherches? 8. Il y a un très bon livre qui vient de sortir sur l'histoire du socialisme. 9. C'est fait par qui? 10. Par un historien qui retrace toute l'histoire du mouvement socialiste. 11. En partant de Marx et d'Engels. 12. Non, en partant du socialisme utopique de Mohr et de Campanelle. 3. Ce n'est pas simple de remplir sa déclaration d'impôt. Et si on simplifiait le style administratif, il serait plus compréhensible pour tous. Par exemple, ce ne serait pas plus simple de dire si vous faites plusieurs déclarations au lieu de « en cas de pluralité de déclarations ». Ce sont toutes les formalités administratives en général qu'il faudrait simplifier. Je voudrais agrandir cette pièce. Que me conseillez-vous ? Pour la rendre plus grande, il faudrait abattre cette cloison. C'est autorisé par le règlement de copropriété? Oui, ce n'est pas nécessaire que vous demandiez une quelconque autorisation. Répétez. 13. Ce n'est pas simple de remplir sa déclaration d'impôt. 14. Et si on simplifiait le style administratif, il serait plus compréhensible pour tous. 15. Par exemple, ce ne serait pas plus simple de dire si vous faites plusieurs déclarations au lieu de en cas de pluralité de déclarations. Seize. Ce sont toutes les formalités administratives en général qu'il faudrait simplifier. 17. Je voudrais agrandir cette pièce. Que me conseillez-vous? Dix-huit. Pour la rendre plus grande, il faudrait abattre cette cloison. Dix-neuf. C'est autorisé par le règlement de copropriété? Vingt. Oui, ce n'est pas nécessaire que vous demandiez une quelconque autorisation. 21. Ce n'est pas simple de remplir sa déclaration d'impôt. 22. Et si on simplifiait le style administratif, il serait plus compréhensible pour tous. 23. Par exemple, ce ne serait pas plus simple de dire si vous faites plusieurs déclarations au lieu de « en cas de pluralité de déclarations ». Ce sont toutes les formalités administratives en général qu'il faudrait simplifier. 25. Je voudrais agrandir cette pièce. Que me conseillez-vous? 26. Pour la rendre plus grande, il faudrait abattre cette cloison. 27. C'est autorisé par le règlement de copropriété? 28. Oui, ce n'est pas nécessaire que vous demandiez une quelconque autorisation. 29. Pourquoi regardes-tu le portail? 30. Il faut le peindre, il est en train de s'abîmer. 31. Qu'est-ce que je peux y mettre? 32. Un produit qui rendra le bois imperméable. 33. Ce sera une imperméabilisation suffisante. 34. Oui, si ton produit est bon. Demande à ton droguiste de te conseiller. Répondez, répétez. 35. Pourquoi regardes-tu le portail? 36. Il faut le peindre, il est en train de s'abîmer. 37. Qu'est-ce que je peux y mettre? 38. Un produit qui rendra le bois imperméable. 39. Ce sera une imperméabilisation suffisante. 40. Oui, si ton produit est bon. Demande à ton droguiste de te conseiller. 41. Tu entends le tonnerre? D'où vient-il? 42. Je vais essayer de t'expliquer. Regarde ce gros nuage plein de gouttes de pluie. 43. Oui, et alors? 44. Ces gouttes à l'intérieur du nuage frottent contre l'air. 45. Oui? 46. Le frottement sur l'air, des gouttes de pluie, provoque une accumulation de charges électriques. 47. Et c'est ça qui donne le tonnerre? 48. C'est plus compliqué que ça. 49. Tu m'expliques quand même, grosso modo? 50. Généralement, le bas du nuage se charge négativement et le haut positivement. 51. Alors, le haut du nuage est comme un pôle positif et le bas comme un pôle négatif? 52. Oui. Et lorsqu'une partie de nuage se trouve surchargée, elle se décharge à terre. 53. Et cela a lieu quand le nuage passe au-dessus de quelque chose de haut? 54. Oui. C'est cette décharge électrique entre nuage et sol qu'on appelle la foudre. 55. Et le tonnerre? 56. C'est la manifestation sonore de la foudre, l'éclair étant la manifestation visuelle. Répondez, répétez. 57. Tu entends le tonnerre? D'où vient-il? 58. Je vais essayer de t'expliquer. Regarde ce gros nuage plein de gouttes de pluie. 59. Oui, et alors? 60. Ces gouttes à l'intérieur du nuage frottent contre l'air. 61. Oui? 62. Le frottement sur l'air, des gouttes de pluie, provoque une accumulation de charges électriques. 63. Et c'est ça qui donne le tonnerre? 64. C'est plus compliqué que ça. 65. Tu m'expliques quand même, grosso modo? 66. Généralement, le bas du nuage se charge négativement et le haut positivement. 67. Alors, le haut du nuage est comme un pôle positif et le bas comme un pôle négatif? Soixante-huit. Oui. Et lorsqu'une partie de nuage se trouve surchargée, elle se décharge à terre. Soixante-neuf. Et cela a lieu quand le nuage passe au-dessus de quelque chose de haut? Soixante-dix. Oui. C'est cette décharge électrique entre nuage et sol qu'on appelle la foudre. 71. Et le tonnerre? 72. C'est la manifestation sonore de la foudre, l'éclair étant la manifestation visuelle. 71. Écoutez. On peut se faire foudroyer? Oui, la foudre est très dangereuse. Que faut-il faire quand on est pris par un orage? Avant tout, éviter de se mettre à l'abri sous des arbres, à proximité de clôtures métalliques. S'abriter dans un fossé? C'est la meilleure solution, s'il n'y a pas d'autre abri plus proche. Répétez. 73. On peut se faire foudroyer? 74. Oui, la foudre est très dangereuse. 75. Que faut-il faire quand on est pris par un orage? 76. Avant tout, évitez de se mettre à l'abri sous des arbres, à proximité de clôtures métalliques. 77. S'abriter dans un fossé? 78. C'est la meilleure solution, s'il n'y a pas d'autre abri plus proche.